Non, non, mais tu lis pas tout parce que là. Ouais, tu lis pas, tu lis les moments. Non, non. Ouais, tu lis simplement la première. Et bah non, mais non, il faut que je lise un peu après. Donc en fait, c'est un compte rendu d'enquête qui nous a été envoyé par Hercule Nabo de hier. Mm-hmm. Donc à l'attention du Star System, donc Max. Donc cher maître, je me permets de vous faire destinataire du compte rendu, une filature et d'une enquête très complète menée par mes services à la demande de Monsieur René de Nice et concernant le Monsieur Gérard de Suresnes. Vous ne pourrez qu'être étonné, voire scandalisé sur ce que vous allez y découvrir. Monsieur de Suresnes se livrant depuis quelques temps déjà à une très singulière activité sur les départements du Var, de nature à bouleverser les usages et les règles de bienséance. Je vous en laisse juge, cher maître, sollicitant simplement que vos fidèles auditeurs soient eux aussi avisés. Donc, je commence donc le compte-rendu d'enquête menée le 29... Oh, attends, laisse-le. Le 29 et 30 janvier 99. T'inquiète pas, c'est ton pote, il gère. Par Gilbert Voitou. Donc, heureusement, Marseille, Marignane, 16h07, arrivée du vol Airbus numéro 293 en provenance d'Orly. Ah, mais donne pas les marques non plus. Non, mais vas-y, précise bien les vols, précise bien le nom de la compagnie, précise Airbus. Bien l'heure. Mais non, justement, ça. Non, laisse-lui. Donc. Non, mais qui t'en parle? Mais donne pas des marques, on fait d'accord. Pas de pub à la radio. Donc. Première classe ou pas quand même? Non. Non. En provenance donc d'Orly, hein, ça j'ai le droit de le dire. J'ai le droit de le dire, Orly. Non, c'est des marques. Bon, en présence d'eau. Non, mais ça, ils arrêtent, on va avoir des problèmes avec le CSA. Précise pas les marques de l'aéroport. En provenance d'eau. Voyons descendre de la passerelle le suspect et dénommé Gérard de Suresnes, vêtu d'une canadienne marron, pantalon de velours bleu, chemise à carreaux et casquette. Mais merde, laisse-le. T'as dit pas de bille. Mais putain, t'es con, quoi. Mais c'est toi, on te connaît, on sait où t'habites, c'est bon. Et alors, tu précises pas, d'accord? Ouais, il est là, regarde, il est pas là-bas, il est là. Ok. Donc. À cette heure, je vais te faire avaler ton stylo. Arrête, parce que c'est sérieux, c'est un vrai contrat, ça. Parce que tu prends ça à la rigolade, Filda. Gérard, pardon. Tu prends ça à la rigolade? Non. Non, parce qu'il y en a un autre aussi. Donc, un certain Gérard, vêtu d'une canadienne marron, d'un pantalon de velours bleu, chemise à carreaux et casquette. Nous le reconnaissons de suite, grâce à la photo remise par Monsieur Henry. Il faut dire qu'il ne passe pas inaperçu. Pour sortir le premier, il vient simplement de bousculer, de faire basculer sur la passerelle une personne d'un âge qui ne lui cédait pas le passage assez vite. Nous le retrouvons quelques minutes plus tard dans le salon d'accueil qu'il a mis en émoi. Gesticulant et vociférant, il s'en prend une hôtesse qu'il veut frapper, suite à l'incident de tout à l'heure. Il prétend bénéficier d'un accès prioritaire en raison d'une infirmité congénitale. L'intervention énergique d'une équipe de policiers le calme quelque peu. Prudemment, nous le suivons vers la sortie. Un haut-parleur venant de l'avertir qu'il était attendu sur le parking numéro 3. Effectivement, bousculant tout ce qui se trouve sur son passage, nous le filons péniblement dans sa charge bestiale, pour le voir enfin tomber dans les bras d'une imposante matrone africaine, tout de vert vêtu. Les retrouvailles écourtées, nos deux bulldozers mettent aussitôt le cap vers... Ah, de marque, tu dis les bulldozers. Non, mais fais gaffe, arrête! Aussitôt vers le véhicule tout-terrain qui les y attend. On dirait le fruit d'une union comme contre-nature entre une bétaillère et un corbillard. Après plus d'une heure de filature hasardeuse et périlleuse sur les routes sinueuses de l'arrière-pays varois, nous arrivons au village d'Ecartefig, direction le château. Nous les voyons pénétrer à l'intérieur d'une propriété protégée de hauts murs et fermée d'un imposant portail. Nous redescendons au village et rentrons aussi au bistrot du coin, le Gai Guignol, pour questionner l'aubergiste en tête-à-tête avec son pastaga. Il nous apprend que le château a été racheté voici 2 ans par la vicomtesse, Écarte Méfès, veuve du vicomte Bourmoilfion, ancien colonial revenu au pays pour y trépasser. Accompagné de sa nouvelle égérie, la volumineuse négresse verte de tout à l'heure. Le gros Marcel, c'est le taulier du Gai Guignol, appelle Lucien Barjol, qui très assoiffé vient de terminer sa partie de pétanque. Ouais. Facteur à la retraite, il travaille à mi-temps au château. Voilà ce qu'il nous raconte. Je sais pas si c'est vrai. Il s'en passe de bien bonne là-bas. Depuis que le parigo Gérard Anus... Arrête! Merde! Arrête! Arrête, mais t'es con ou quoi? C'est des preuves, ça! Attends, excusez-nous, ça cogne un peu, là. J'ai rien dit! Mais qu'est-ce que... Alors, pourquoi tu lui donnes le courrier? Donne ça. Pourquoi tu lui donnes le courrier si après tu veux pas qu'il le lise? C'est à toi qui a dit qu'il voulait le lire. Faut savoir! Oh, mais t'es con ou quoi? Lui, il est encore plus con parce qu'il donne les noms des villes. Mais alors, non, alors tu donnes pas... Mais c'est pas des noms des villes. T'inquiète pas, je vais savoir où ça va aller, ça. Oh nuance. Bon, je termine ou pas? Bah ouais, mais non, tu termineras pas. Si, mais donne pas les noms des villes. Sans les noms de villes. Mais c'était pas des noms. Mais si, t'as dit la princesse de Cougnac ou de Castricu. Non, bon, moi, ouais. Alors, donc, il s'en passe de bien bonne là-bas, là, en haut. Depuis que le parigo Gérard, il vient régulièrement. Gérard, ça va, c'est pas ton nom? Régulièrement, notez qu'il n'a pas mentionné le patronyme de ta ville. Ancien routier, il a rencontré la vicomtesse à cette époque du côté du BIP. sur le bord de l'autoroute, où elle était tombée en panne. L'ayant dépanné, Gérard dit le culbuteur, aurait depuis cette époque noué des relations étroites et sulfureuses avec son égérie. Mmh. C'est lui qui l'aurait décidé à créer dans cette propriété tranquille un conservatoire arte. Une conserverie, pardon, high-tech. Par la mise en boîte et la commercialisation d'un produit du terroir élaboré et très goûteux. Devant révolutionner la gastronomie du troisième millénaire et contribuer activement à la lutte contre la faim dans le tiers-monde. Le brave Lulu nous raconte ensuite le dîner auquel il fut convié à la Toussaint 98 en voyant. En voici le compte rendu fidèle. Ouais, mais j'ai plus la suite. Non, la suite. Tu ne l'auras pas. Oh, ici, hein. Déjà ici, une. Attends. Déjà une. Tu vois, ça. Ouais. Déjà, c'est daté du 20 février 99. Ouais. Et la lettre, on la reçoit, elle est partie du 11. Du 11. Ouais. De ce mois-ci. Et alors, moi, je peux très bien écrire une lettre et pas avoir envie de l'envoyer, puis au bout de deux mois, me dire, tiens, je l'envoie, et puis voilà, je l'envoie. Ben alors, ça n'a rien à voir. Ben c'est nul, alors, ça sert à quoi que tu me files ton courrier? Je comprends pas ton comportement, Gérard, c'est hors antenne. Avant l'émission, tu lui donnes ton courrier en disant, je veux que t'en parles à l'antenne, et après, une fois à l'antenne. J'ai voulu, mais il n'a pas besoin de tout balancer comme il vient de faire, les noms de ville et puis tout ça. Donc, alors, terminé, maintenant, tu t'occuperas de ton cul, tu feras ton courrier avec tes deux poteaux de naze, là.